Oui, je vous dis, c'est un écœur à prix le niveau de l'ignorance. Hein. C'est une écœur. Hein. C'est une écœur. C'est un affront à l'intelligence. Pas de l'art. C'est un affront à l'intelligence comme c'est l'ignorance de l'art. C'est un affront. Après, je vous dis que quand on change de communiquer avec vous, ils sont contents de vous. Mais donc. Moi, je te rappelle, je te rappelle comment je vivais. Je vis dans une boîte. D'accord, hey, ton succès, tes enfants, ta famille, ta télévision, ta gueule, ton voyage de Bougamie. Je vis dans une boîte. J'ai autour d'un petit filet, doux chien, doucement va. Je vais tuer les nids. J'ai pas eu la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Autour d'un boîte, il y a des filets autour d'un boîte. C'est ça le filet. Oui. C'est la limite de la pratique. Pour que je puisse parler à l'homme, il faut que l'homme puisse m'écouter parler. Si les gens ne sont pas capables de m'écouter parler, je ne peux pas parler à l'homme. Parce que je ne peux pas penser à l'écouter. Pas être présent. Je ne peux plus que les gens prennent mon travail. Parce qu'en même temps, mon travail, c'est pas vous qui êtes à jouer, je suis conscient. Il y a tant de munitions des autres. Pour que je puisse fonctionner. Le plus possible pour que les gens puissent comprendre le plus possible, parce que les gens doivent comprendre le plus possible, le plus tôt possible. J'ai dit à Proto un jour, j'ai dit, je ne peux pas te donner la présence, je ne peux pas t'enseigner, j'ai dit, c'est quoi, je n'ai pas le droit de faire ça, je fonctionne pas. Je peux te dire, je peux te montrer comment la marche. Il faut qu'on sache comment la marche. Il faut qu'on apprenne à vivre. Hein? Quand tu passes une idée dans la vie qui choque un petit peu votre intellect, c'est ce qu'elle qui est bonne. Ou surtout qu'il passe une idée dans la vie là, qui choque votre intellect, là, ça vous paraît impossible, c'est celle-là qui est possible. Poignez-la à celle-là, puis allez chercher l'information. Si votre ego a le côté final, parce qu'il passe de l'exemple, parce que vous donne des exemples, soit vous êtes extrêmement cher de tuer votre café, ça vous dit dans votre tête, vous pensez que ça vous dit dans votre tête, vous pensez à ça, que l'homme, c'est pas une créature du tout. Là, votre ego va jouer. C'est là. Il faut que vous l'appreniez, c'est là, parce qu'il y a quelque chose d'autre en haut pour vous faire comprendre que ça. Là, le canal est ouvert, assez, vous en servez pour. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens disent, c'est ça. Là, habituez-vous à aller chercher la connaissance quand il faut passer un petit filet de neuf. Là, vous allez devenir ça. C'est d'accord, d'accord. Quand c'est pas. C'est comme une impression qui vient de. À un moment donné, j'ai compris ce que c'était que de comprendre. Je ne peux pas en parole, il y a quelque chose qui. Je ne sais pas si vous, puis il n'est pas juste. Là, je l'ai cherché, parce que je t'ai dit, je ne sais pas. C'est vite. Très vite. Et toi, avec ta sensibilité, tu as la chance d'aller chercher des informations. C'est mêlé parce que t'as à cause de l'émotion dans ta connaissance. T'as à cause de l'émotion dans ton savoir. T'as à cause de l'émotion dans ta vie. C'est ça que c'est. Mais l'émotion doit venir l'émotion. Et qui servait à mon avis, c'est dit sur une cassette, qu'ils construisent la nuit le matériel qui leur sert le jour pour nous aiguillonner, en fin de compte. À un moment donné, ça veut dire que c'est quoi la nuit? Il y a des coupures qui se font, puis il y a des rêves, puis à un moment donné, tu ne rêves plus. Moi, je ne suis plus là. Je ne sais plus rien. Et non. Ah, c'est vrai, c'est là, ça fait partie du screen. Hein. C'est pas le fait de réaliser qui change les choses de manière. C'est ça qui est bien. Les conditions de vos esprits de l'entreprise sont toujours en relation avec le travail que je fais. Tout le temps. C'est à vous autres, avec ce que Joseph a fait, c'est à vous autres de pouvoir comprendre ce que vous mettez au même cadre. Alors, ils vont vous amener à filer à leur énergie trop vite. Parce que c'est trop dur. Au moins, il vous amène à vibrer à l'énergie. Crête de l'énergie, crête de l'énergie, crête de l'énergie, crête de l'énergie. C'est pas important de trouver ou de bien dans sa crête. Et quand il vous met quelque chose dans la tête qui semble être impossible, contre, anti, c'est bien l'intérieur. Parce que c'est. Moi, des fois, il me passe quelque chose, tu vois, c'est intéressant. Moi, c'est parce que je suis tellement conscient de d'autres que la moindre chose qui me parle, je la prends. Là, je dis que c'est dit là, là. Il me l'explique. Ah. Ah, ça dépend, ça dépend, ça dépend de vous autres. Ça dépend de vous autres. Mais éventuellement, il ouvre. Éventuellement, ça ouvre, ça ouvre. Mais ils ne peuvent pas aller trop loin parce que si elle est trop loin, trop vite, vous seriez comme des haut-parleurs. C'est ce que je veux dire. Tu n'as été une pendant 4 ans. Parce que là, à cause de son émotion, quand tu reçois des choses qui sont vastes, qui sont universelles, il veut les transmettre. Il y a rien. On peut le lancer. Je ne sais pas si c'est pour dire de le lancer. D'accord. Ça ne va pas être très émotionnel. Si tu transmets de l'énergie à une personne par ce biais-là, il faut que tu puisses t'assurer de continuer le travail que tu as commencé. Oui, on lâche. Si tu parles à une personne, change son esprit, parce que change la vibration de son esprit. Il faut que tu puisses avoir la force de continuer ce travail. C'est toi qui te dis, tout le monde vous ignore. Regarde ce qu'il y a quand il y a des gars comme Moïse, non. Il se dit, il y a une dame pour minuit. Choisi par des entités d'un monde des esprits qui va être vraiment belle en fait, et la fin du monde en fait. Ah, ils en vont dire ça, son nom. Donc imaginez-vous si ça a été par eux autres en haut, quelque chose, parce que c'est la roue maintenant. C'est l'opposé complètement, parce que l'autre, quand ils disent quelque chose, c'est pour toi. C'est pour ton évolution, pour ta compréhension, pour ton système interne, pour ceux avec qui tu vis d'une façon proche. Sinon, ils vont aller chercher tout le monde dans le monde, qu'ils soient en Afrique, au Japon, bien. Parce que pas vous autres de vous inquiéter de qui ils vont aller chercher, mais quand vous rencontrerez ces gens-là, au moins, vous saurez comment parler avec ces gens-là. Vous serez sans même reconnaissance. C'est une illusion spirituelle, ça. Faut qu'on aille pas que c'est une illusion. Et ça, on a assez parlé. Et quand on prend un peu de moi, des fois, quand je regarde la situation de l'homme vis-à-vis de l'autre, c'est tellement basse que les mots, j'en ai pas de mots pour expliquer. Quand je reçois une délibération, ça meurt là. Mais quand j'ai les mots pour les expliquer, il faut que je dirige mes mots où ça sert.

qu'on peut dire, on est des vrais papiers, c'est bon. C'est difficile pour l'ego de s'habituer à ne pas s'occuper de ce qu'il dit et à ne pas s'occuper de ce qu'il fait. C'est très difficile parce que c'est contre sa nature. L'ego veut toujours peinturer les murs de sa maison. Il n'est pas capable de vivre dans une maison où il n'y a pas de peinture. Il veut toujours qu'il y ait la peinture dans sa maison. Au lieu de s'habituer à laisser eux autres peinturer les murs de la maison comme eux autres le peuvent. Et ensuite, l'ego parle de sagesse. C'est une étape dans l'évolution de l'homme, la sagesse. Les autres, ils disent de ça, c'est vrai. La sagesse de quoi? Quand ils sont rendus à détruire la forme de la sagesse, là, tu veux qu'ils sont prêts à détruire maintenant. Ils disent qu'on parle de sagesse parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on sait. Quand on est pas sûr de ce qu'on sait, on est obligé d'attribuer à ce qu'on sait des valeurs qui sont suffisamment hautes en vibration pour qu'on puisse être à l'aise dans la compréhension émotive et spirituelle de ce qu'on est. C'est ça le problème. Quand on a réalisé ça, à ce moment-là, on ne s'occupe plus de la sagesse. Parce qu'on ne réfléchit plus sur ce qu'on est. Quand tu ne réfléchis plus sur ce que tu es, à ce moment-là, tu es d'autre chose. Ce que tu es, cette autre chose-là, tu es. C'est un état. Cet état-là, c'est universel. L'universalité de cet état-là, ça ne t'appartient pas. Ça t'appartient à la condition multidimensionnelle de l'homme. Moi, j'en ai rencontré des sages qui sont bourrés d'orgueil spirituel. C'est des sages. Bourré d'orgueil spirituel. Allez, si il est prêt, allez voir les maîtres, si il est prêt, allez voir s'il n'y en a pas d'orgueil. Et chez ces maîtres-là. Parce qu'il y a une chose concernant l'orgueil, je vais vous le dire à soir. L'orgueil, c'est la qualité même de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, plus il est évolué, plus il est capable de se soustraire de l'illusion des formes, plus il est capable de détruire en lui-même des valeurs concernant ces formes-là qui sont absolument relatives à sa conscience pure, mais qui sont totalement enracinées dans sa conscience animale. On rend ça tout plus vite. Je dis ça. Tu vois, je ferais tout de suite payer, tu vas voir. La seule façon de dehors de ça, pour qu'il franchisse un but extrêmement noir, là il va rencontrer la vraie lumière. Il ne peut pas la voir, lui, parce qu'il se réfléchit de la propre lumière. Il devient ça. Il devient ça pour lui-même. Il devient ça pour lui-même. Quand le homme devient sage pour lui-même, automatiquement, il détruit les fondations de la sagesse, parce que la sagesse, les fondations de la sagesse, sont suprêmes seulement quand l'homme est totalement ordonné à l'intérieur de lui-même. Quand il est ordonné à l'intérieur de lui-même, les fondations de la sagesse, il les retire vers lui-même, il les restitue dans la lumière où il vit les conditions suprêmes du discernement. À ce moment-là, quand il a développé les conditions suprêmes du discernement, il est prêt à descendre des mondes inférieurs pour faire connaître aux hommes les aspects du discernement, pour que eux éventuellement dépassent les limites de la sagesse, pour que eux éventuellement puissent s'asseoir au trône des élus. Le trône des élus, c'est la grande qualité des anges qui ont totalement détruit les portes.

De quoi, d'accord? Ça, vraiment, on dit, même tu es, celle que tu meurs, c'est que tu es de l'autre côté parce que l'ego. Exactement, l'ego sont tenus d'autre part. C'est ça. Bon, ça, je l'aime bien, ça. Ça ne paraît pas que tu le dis. Ça, c'est de la nouvelle expression qu'on soit, que quand l'ego est totalement transmuté, il devient de l'esprit. Puis de l'esprit, ça ne se détruit pas, ça ne se tue pas, ça ne se ment pas, ça ne se détériore pas, parce que de l'esprit, ça fait partie du grand esprit de l'esprit. Plus l'ego se transmute, plus on devient esprit. C'est tout à cet écran de l'âme, on dira que l'homme est esprit. Dans le ciel, c'est lui. C'est pour ça qu'on s'obtient, c'est d'éliminer cet ego-là. C'est ça. C'est bon. L'ego, c'est la caricature de l'esprit. C'est la masse de l'esprit. Là, il dit, ça leur permet d'employer le mot esprit. Il faut que le masque soit détruit. C'est ça. Quand le masque de l'ego est détruit, quand le masque de l'esprit est détruit, à ce moment-là, l'homme est dans la puissance et la lumière. Parce que l'esprit de l'homme et l'esprit universel, c'est la même chose. Seulement, l'esprit universel, c'est fait de la perfection d'infinité, tandis que l'homme est fait de l'infinité de la perfection. C'est la différence entre les deux esprits. Ce sont toutes des différences quantitatives et lumineuses. Oui, mais c'est de la même matière quand c'est même. C'est la même matière. C'est la même matière. Ça ne montre pas pourquoi c'est un homme qui est rendu dans son esprit peut commander la matière. Puisque la matière est faite d'esprit, comment on ne l'évoque pas? La matière est oubliée. C'est ça qui se passe avec les extraterrestres. Les extraterrestres, quand ils veulent partir de 4,5 millimètres, ils sont mis sur la planète Terre, ça peut prendre 2 semaines. Regarde. Yeah. Ils se promènent dans les terres et ils ne voient pas. Anyway, we're doing it. Mais il dit que c'est une information très importante. Que l'ego, quand l'ego est transmuté, l'homme devient dans l'esprit. L'homme développe son esprit. C'est dans l'esprit de l'homme qui est le pouvoir et non dans l'ego. Si vous ne renaissez dans l'esprit, vous ne vivrez pas. C'est ça. Okay. Renaître dans l'esprit. C'est ça. Bien dit. Oui, c'est là ce qu'il dit. Il faut comprendre ce qu'il dit. La comprendre ce qu'il dit. Sans ça, comme dans les formes spéciales, c'est là que l'ego va être un peu plus succès à cette façon. Mais à ce moment-là, les gens comprenaient tout. Là, on commence à comprendre. Depuis cette année, mon travail, quand je change de semaine en semaine, je me rends compte que le gros temps du monsieur, c'était de flamicher ses égaux. D'ailleurs, tu disais, quand je commence à changer les vibrations de personne, tu sens le plus du beau bout. Tu me disais, c'est un job. C'est ça, par exemple, de façon de parler quand je parle de même. Quand je parle de même, ce que je dis, c'est que si tu commences à te lier avec une personne vibratoirement au niveau de ton esprit et du sien, c'est évident qu'éventuellement, il va s'établir un lien vibratoire entre toi et cette personne-là. Ben, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas que tu ne t'impliques pas au niveau de ton ego. Si tu t'impliques dans l'esprit, c'est une autre chose. Comme moi, je t'impliquais avec vous autres dans l'esprit, mais c'est pas au niveau de mon ego. Comme ça, je ne me dis pas. Mais si je m'implique au niveau de mon ego, je me dis pas. C'est ça, c'est que ton information passe au niveau de ton esprit. Mais c'est pas au niveau de l'esprit. Si son information passe au niveau de ton esprit, là, il n'y a plus à faire aux gens. En somme, les gens s'arrangent avec ce qu'il leur a passé. C'est ça. Le travail, c'est après ça, c'est comment. Du moment où tu n'impliques pas en ego, impliquez-vous en esprit. Puis en esprit, vous devez faire, vous allez savoir quand vous impliquez, quand vous vous impliquez. Si en ego, vous serez à l'air parce que l'ego ne s'arrête pas. Ça fait tout le monde overnight. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Só que elas dizem que Deus descobre negócios para render muito para que se mete a põe. São essas incrédulas. Mas tu se desistir depois de... Mesmo, se depois não depois de ter uma sua. Se desistir de... Situer les beaux par rapport à l'espèce, parce qu'il y a quelques années, le contact que j'avais était clair, c'était ça clair comme de l'eau de roche. Oui, parce que il y a quelques années, le contact devait spiritualiser ton niveau. Ah, c'est pour ça que le contact était clair. Ça faisait partie de la transformation. Il fallait que la spiritualisation se fasse. Donc, le contact a spiritualisé ton ego. À la sorte que l'ego est assez spiritualisé, il faut que le contact le déspiritualise. Le contact déspiritualise. Dispirituise l'ego en se réussir. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être trois. Bon, mais là, ben, il y en a deux qui chicanent. C'est la poulaine. À un moment donné, ça vient. Puis aussitôt que j'en prends conscience, toute cette fête, je vais, la question qui me vient à l'esprit, qui reste tout le temps, qui me vient là, qui reste tout le temps sans réponse, c'est qui est-ce? Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste? Ou bien, à un moment donné, par exemple, dans mon travail, j'ai un cours de 25 minutes à donner, je commence à donner le cours, je suis consciente, là, je commence à donner, je fais quoi? Je réalise, ça fait 20 minutes que je parle, je m'en vais. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas. Je veux que sur un autre, là, c'est comme si je revenais. Mais là, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui m'est parti? Je ne sais plus. Là, ben, ça, des questions qui sont en train de se faire. C'est une intéressante vidéo dans l'esprit. Parce que quand on va comprendre ça, on va comprendre que c'est pas vrai du tout. Ça va être bien. Là, on ne fera pas de gaffe. On ne fera pas d'overtime. On va être tranquille. Il n'y a pas d'émotion. Mais après, il n'y a pas qu'il explique clairement que c'est la relation qui vous fait. Parce que ça risque d'arriver. Il va te répondre d'une certaine façon. Il y a encore d'autres. Je me réfère aussi le nom des esprits que j'avais notés en pensée. Oui. Les martyrs, ils ont cru. Est-ce qu'on va vivre ça encore? Les... Non. Non. Non, parce que les gens vont aller tout simplement. Est-ce que ça va juste pour les discernements? Le discernement, ça va jusqu'au. Le discernement, ça se voit. Le discernement. Ça permet à l'homme de totalement se spiritualiser. C'est la cause. Les martyrs, ça nous appartient à l'évolution. Ça nous appartient des conditions de l'ego. C'est le pire de l'ego. C'est une des manifestations, la pire, c'est la pire de l'ego qui a eu l'été. Parce que les êtres humains autour d'un ego imputaient à l'ego ses gestes en comportement. C'est ça, je veux dire. Dans le passé, comme je trouve c'est un bon exemple, parce que finalement, les êtres humains autour mettaient ça sur le dos de la personnalité du gars au lieu de dire que qu'est-ce qu'il véhiculait. Parce que là, le discernement, tu comprends que tout ce qui est dit, c'est à sa place. Il faut que ce soit lieu. Quand rien est inutile, parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus de dire, bon, mais si quelqu'un qui t'engueule ou quelque chose, tu dis, il y a une raison. Puis en arrière de cette raison-là, il y a une autre raison, puis il y a une autre raison, puis il y a une autre raison. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus une donne. Chacun a raison. Bon, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Parce que si ça se produit, c'est là, c'est ça. Tout le monde a raison. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans la vie, on peut être confronté avec. Existe la vie universelle que j'ai dit aussi, que vous avez dit d'avoir mangé. Est-ce qu'on va être confronté à une bombe comme le Seigneur? Non, je ne connais pas. Sur le côté-là, dans son nom, non, on ne sera pas confronté à rien parce qu'on aurait été confronté à soi-même. Ça veut dire qu'on laisse à soi-même. À soi-même. Relations qu'on a avec des gens qui nous valent. Non. Non. On n'aura aucun mal. Ça existe aucun mal. C'est différemment. C'est une base universelle. Tu vas tout en relation avec ce que tu sais. Et non en relation avec ce que tu penses que tu es, ou en relation avec ce que tu penses que tu peux représenter. Il n'y a aucune représentation dans ça. Quand tu es conscient, tu es rien en passant, mon cher. Mais oui, mais si, mais si, mais si quelqu'un vous oblige à l'époque. Personne ne peut t'obliger à rien. Parce que personne, quand tu es la personne ne sait qui tu es. C'est pas que je t'oblige, j'ai l'impression d'aller l'année à l'année, ça va être bien, la fin, tout le monde, tout le monde. Oui, mais ça, ce sont des intervenions spirituelles qui font partie encore des formes qui sont vécues liées à l'âme par le monde de Dieu. La vie universelle, ça vient d'où? C'est une force, ça? Ça vient d'où, la connaissance du bien universel?